Encore, passionné. Encore, passionné. Encore, passionné. Encore, passionné. Let's go, come on, let's go. Don't let me get a beat.